Chapitre 3e, le Fornaro. Pietro Gaffarelli, le père de cette jeune fille, était un véritable Romain, adorant Dieu et le pape, chantant à tue-tête les hymnes pieux pendant qu'il surveillait la cuisson de ses pains, et se délassant de ses travaux par les sonores baisers mêlés de rires d'admiration qu'il appliquait sur le front si pur de sa fille Stella. Cet enfant unique était sa joie, son orgueil. Il redressait sa taille et rejetait un peu en arrière son visage quand, le dimanche, la tenant par la main, il la conduisait à son banc à l'église et là, son regard semblait dire en planant triomphalement sur l'assistance « Je suis pourtant le père de cette belle enfant ». Stella devint ainsi l'objet d'un culte mythologique de la part de ses parents, toujours un peu païens, malgré leur vive foi chrétienne. Tant que Rome subsistera, la statue sera toujours adorée, plus qu'on ne le fait ailleurs. Toute famille romaine s'arrange pour prolonger cette fête antique que l'art religieux créa en l'honneur de la beauté de marbre ou de chair. Stella, déesse vivante, remplissait sous le toit paternel le rôle d'une habitante de l'Olympe. Ses mutineries, ses caprices, étaient satisfaits au premier coup d'œil. Le père et la mère, dans un état d'extase perpétuelle, ne s'endormaient que lorsque le babil agaçant de leur enfant s'était éteint et souriaient de bonheur quand, en s'éveillant, la voix fraîche et mélodieuse de leur fille venait résonner à leurs oreilles. C'était une obsession d'amour, une douce obsession. En la parant, la belle enfant, comme une madone, la mère suspendait à son cou des perles. Le père mettait dans ses cheveux parfumés des fleurs choisies parmi les plus belles, et ses deux époux ravis plaçaient leur fille au milieu d'eux et entonnaient le chant alterné de leur admiration pour Stella. Mais le temple de cette délicieuse divinité était une boutique de boulanger. N'importe, tout s'éclairait autour d'elle de cette beauté de 16 ans qui émerveillait aussi les pratiques du Fornaro. La Via dei Coronari retentissait sans cesse des éloges que dans leur belle langue, si caressante, les voisins et les voisines prodiguaient à la fille de Gaffarelli. Pas un de ses voisins, pas une de ses voisines, n'aurait consenti à laisser une journée s'écouler sans avoir vu et admiré Stella. Les choses se passent encore ainsi de nos jours dans les villes italiennes. Quand la réputation d'une beauté y est bien établie, un culte naît aussitôt, un culte qu'embrasse une foule de fervents adorateurs. Les dévots ne manquaient pas à Stella, qui le savait, et s'en réjouissait dans son cœur, si orgueilleusement remué. Elle s'acquittait à merveille de son emploi de déesse. C'était pour tous ses voisins qu'elle faisait ses belles toilettes, qu'elle choisissait les plus jolies fleurs pour les placer dans ses cheveux aux reflets dorés, qu'elle prenait naturellement des poses dans le genre de celles qui avaient foudroyé Raphaël. Le grand artiste jura que cet enfant entrerait bientôt dans son atelier, comme une jeune reine dans sa cour. Notre peintre eut bientôt pris sa résolution. Comptant sur le dévouement que l'art inspire toujours au père romain, il aborde Gaffarelli au moment même où le père de Stella jetait des pains dans sa large balance. « Seigneur Fornaro, lui dit Raphaël, je viens vous demander un service que je saurai récompenser. »« Un service, lequel ? Demande Gaffarelli. « Je lis sur vos traits, ajoute Raphaël, que vous n'êtes pas étranger aux beaux-arts. Vous êtes un vrai Romain, et vous savez gré au Saint-Père de tout l'argent qu'il dépense dans ses palais et dans ses basiliques. Oh, pour cela, per questo, vous avez raison, monsieur. Le dimanche, ma femme, ma fille et moi, quand nous sortons et que nous allons, comme c'est notre devoir, visiter les églises romaines, nous ne pouvons nous rassasier d'admirer les beaux tableaux que le Saint-Père vous fait faire. Vous me connaissez donc. Eh, quel Romain ne connaît pas le grand, l'illustre Raphaël Sanzio, d'Urbine. Ma femme est née à Sienne, et elle me parle toujours des peintures de la sacristie du Dôme. Mais qui me vaut l'honneur de votre visite? Je vous l'ai dit, Seigneur Fornaro, j'ai un service à vous demander, un service immense. Voici. Avez-vous ouï parler de Galatée? De Galatée? Oui, d'une jeune déesse à laquelle votre fille ressemble comme deux gouttes d'eau. Ah, vous connaissez ma fille. Un peintre, mon ami, est tenu plus que personne de connaître toutes les jolies filles de Rome. Et votre enfant est de toutes la plus jolie. Je le sais bien, je le sais bien. Et vous dites donc que ma fille Stella ressemble à Galatée. Galatée était blonde et votre fille est blonde. C'est miraculeux à Rome, où toutes les femmes sont brunes. Galatée avait des cheveux couleur d'or, votre fille aussi. Galatée avait des yeux incomparables. Les yeux de votre fille sont sans rivaux. Je ne parle pas du nez, de la bouche, de la taille. La comparaison est trop avantageuse pour vous. Mais croyez que l'Olympe aurait nommé votre fille Galatée, le jour où les dieux l'auraient vue, sortant du sein des flots avec des perles brillantes sur ses humides épaules. Où voulez-vous en venir avec cette Galatée ? Je suis, seigneur Fornaro, le plus malheureux des peintres. Vraiment, mais c'est impossible, vous, l'ami du Saint-Père, le roi des peintres. Je suis malheureux, parce que depuis 3 mois je cherche un modèle, et que ce n'est que hier que j'en ai vu un sur le seuil de votre porte. Votre fille est blonde. Comme sa mère, et alors ? Alors je me suis dit, cette Galatée que j'ai cherchée partout, dans Rome, dans la campagne, cette Galatée qui semblait me fuir, qui m'était cependant nécessaire comme l'air que je respire, elle a enfin consenti à m'attendre à côté d'une boutique, au coin de la rue. C'est là qu'elle m'est apparue dans tout l'éclat rayonnant de sa merveilleuse beauté. Le soleil jouait dans sa chevelure d'or fluide, ses yeux avaient des regards célestes, et elle posait avec une grâce toute olympienne. Oh, je ne puis vous dire de quel transport je me suis senti saisi, quand par une faveur inespérée, mon rêve, incarné dans une jeune fille, s'est montré à moi. Il me la fallait, cette jeune fille, telle qu'elle est, avec ses beaux cheveux tout couverts de reflets miroitants comme des rayons, avec sa bouche mutine et rieuse, son nez divinement sculpté, et je l'ai vue là, tout près de cette porte. Concevez-vous mon bonheur? Mais où diable voulez-vous en venir? Connaissez-vous, seigneur Fornaro, mes procédés? Beaux procédés? Oui, je vous demande si vous savez de quelle manière nous peignons nos tableaux. Mais avec une palette, des pinceaux, des couleurs que l'on broie sur la pierre et de l'huile? Oui, voilà les procédés matériels. Mais il y a plus que cela encore. Il y a le modèle qui se pénètre de la pensée du peintre et la reproduit par ses attitudes variées. Le modèle guide notre main et échauffe notre cerveau. Grâce à lui, la nature est saisie sur le vif. La ligne, le contour, l'expression, la pose, les muscles dans leur jeu, la lumière dans ses caprices, tout est fidèlement, admirablement reproduit. Vous comprenez ? Parfaitement. Quel modèle que votre fille ? Ma fille, un modèle. Un modèle de peintre. Mais, seigneur Raphaël, c'est donc là que vous voulez en venir avec tous ces détours ? Et le boulanger fit un geste d'impérieux refus, tourna le dos au peintre et, rentrant dans sa boutique, se mit en devoir d'enfourner ses pains. « Seigneur Fornaro, vous n'agréez pas ma demande ? Rien que d'y penser !» répondit le boulanger. « Je sens la colère. Stella, elle, si sage, si chaste, dans votre atelier, devant vos élèves. » « Mais, ajouta Gaffarelli, c'est donc pour nous insulter que vous êtes venu ici ?»« Seigneur Fornaro, moi, vous insulter ? Ah, jugez-moi avec plus de vérité. Ne vous laissez pas aller à ce premier mouvement qui est indigne d'un homme juste et pieux comme vous. Personne au monde ne vous honore et ne vous respecte plus que moi. » Je le sais, il existe certains préjugés à l'occasion des modèles. Ces préjugés alarment votre conscience et inquiètent votre tendresse paternelle. Mais croyez que pour moi, l'art est une chose sainte, une religion qui ennoblit et purifie tout ce qu'elle touche. Allons, ne vous irritez pas. Voyez quel honneur pour vous, pour votre fille. Toutes les fois que les papes, les cardinaux, les princes, les nobles et le peuple de Rome passeront devant ma Galatée, ils s'inclineront, frapperont des mains et diront « Voilà la jolie fille du Fornaro Gaffarelli. Je veux en faire de votre fille une reine, une déesse. Elle sera immortelle, elle traversera les siècles, escortée par les bénédictions de tous ceux qui adorent l'art. Concevez-vous, connaissez-vous une plus belle destinée ? Quand le monde viendra dans notre ville éternelle en pèlerinage pieux, chacun voudra voir mes tableaux, et le plus beau de tous sera celui où figurera votre divine Stella. Et parce que ce mot modèle sonne mal à vos oreilles, vous allez ravir au front de votre fille la couronne céleste que je veux y attacher. Vous allez condamner sa merveilleuse beauté à une obscurité éternelle. Vous n'aimez pas votre fille. Je n'aime pas Stella. Non, vous ne l'aimez pas. Égoïste Fornaro, vous êtes fier d'elle parce qu'elle est belle, parce qu'à l'église, on dit en la voyant, le Fornaro Gaffarelli a une bien belle fille. Cela vous enfle le cœur et réjouit votre orgueil de père. Mais si vous l'aimiez bien, vous me remercieriez de l'honneur que je veux lui faire. Vous lui procuriez cette renommée que mon pinceau veut lui donner. Non, vous ne la priveriez pas d'une telle gloire. Allons, laissez-vous toucher. Tenez, votre femme qui est venue nous écouter va se joindre à moi pour vous supplier de faire cette grâce à votre fille.